Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, le jour où la France a quitté le commandement militaire intégré de l'OTAN. Le 21 février 1966, lors d'une grande conférence de presse, le général de Gaulle annonce qu'au terme de la prochaine échéance de ses engagements avec l'Alliance Atlantique, les soldats français quitteront le giron de l'OTAN et que toutes les forces militaires étrangères stationnées sur le territoire national passeront sous commandement français. Dans les milieux diplomatiques, la nouvelle provoque une onde de choc. Dans la presse également, mais c'est sans conteste aux États-Unis que l'émotion est la plus grande. À Washington, en effet, le président Johnson fustige l'attitude de la France. Car en plein contexte de guerre froide et d'affrontements Est-Ouest, la décision prise par Paris est vécue outre-Atlantique comme une trahison. Aujourd'hui, plus de 70 ans après les faits, l'affaire de la sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN reste encore très mal comprise. Perçue le plus souvent comme un acte de politique étrangère brutale. On l'associe à une rupture définitive de la France avec l'Alliance Atlantique. Pourtant, et on va le voir, il n'en est rien. En vérité, la France n'a jamais quitté l'OTAN. Notre invité aujourd'hui, Maurice Weiss, professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris en histoire des relations internationales. Son dernier ouvrage, intitulé « Dans les archives secrètes du Quai d'Orsay », est paru en octobre dernier aux éditions L'Iconoclaste. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat aujourd'hui avec les archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et bien sûr avec l'INA. Émission préparée par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacuboviez. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Monsieur de Faria, comment les 15 pays membres de l'Alliance ont-ils réalisé cette organisation, l'OTAN, sans laquelle il n'y a en fait pas d'alliance ? Le traité lui-même prévoyait ceci, il parlait d'un conseil où tous les pays seraient représentés, et ce conseil de 1949 à nos jours a créé l'organisation que vous voyez aujourd'hui. On retrouve dans ce conseil les 15 partenaires de l'Alliance qui se sont réservés le pouvoir de décision à l'unanimité seulement. Comment fonctionne ce conseil ? C'est un conseil qui ne connaît presque pas de règles de procédure. Chaque pays peut formuler les propositions qu'il veut et on discute jusqu'à ce que l'unanimité se fasse. Nous sommes à la fin de l'année 1965. Sur l'antenne de France Inter, José de Faria, haut fonctionnaire de l'OTAN, explique aux auditeurs les règles de fonctionnement de l'Alliance Atlantique. À la demande des journalistes, le diplomate se livre ensuite à un bref exposé sur les origines de cette structure militaire unique en son genre. Sur le plan historique, rappelle José de Faria, l'organisation apparaît en 1949, date de la signature du traité de Washington. À cette période, l'Europe vit encore au ralenti. Durablement affaibli et profondément traumatisé par la Seconde Guerre mondiale, le vieux continent cherche un second souffle. Mais sur cette route de la reconstruction, les pays européens font face à un nouvel ennemi. Désormais, le péril potentiel ne porte plus de brassard à croix gammée, mais plutôt une étoile rouge. Le nouveau danger vient de l'Est et il amène avec lui des millions de soldats soutenus eux-mêmes par des milliers de chars d'assaut. Alors, partout sur le continent, la peur s'installe. Oui, on craint à tout moment que les bottes communistes ne viennent fouler les pavés des grandes capitales européennes. Dans l'imaginaire collectif, les souvenirs du débarquement victorieux en Normandie et les images de l'explosion atomique d'Hiroshima reviennent en boucle. Au point que très vite, l'Amérique symbolise pour les dirigeants européens une sorte d'assurance-vie en cas de guerre. Et c'est pour cette raison que plusieurs pays, dont la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Benelux ou l'Allemagne de l'Ouest, vont s'associer à Washington dans une initiative diplomatique inédite par temps de paix. L'objectif est d'établir, je cite l'article 1er du traité, un pacte de défense et d'assistance mutuelle face à toute agression armée. Ce pacte va prendre le nom d'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, plus connu sous son acronyme OTAN. C'est vrai, président Truman, qui dit au vieux Schuman, Robert signait mon pacte, car Hitler il porte la marque, il est pour faire la guerre à l'Union soviétique, au pays populaire et au profit de l'Amérique. Mais le peuple a dit non, il n'y a rien à faire, à l'Union soviétique on ne fera pas la guerre. En cet automne 1965, 16 ans après la signature du pacte de l'Alliance Atlantique, le contexte international a évolué. Monsieur Faria doit l'admettre, l'organisation a perdu de son prestige, et pour certains même de sa légitimité d'ailleurs. Comme vous venez de l'entendre, l'OTAN est désormais une cible pour les mouvements de jeunesse, en particulier à l'extrême gauche, qui en fait son terrain de prédilection à l'époque. Certes, la peur d'une invasion par les chars de l'armée rouge plane toujours sur l'Europe. Mais désormais à Londres, Paris, Bonn, Bruxelles, Oslo, Athènes, la donne politique est différente. Renforcés sur le plan économique et restructurés sur le plan militaire, certains pays européens n'apprécient guère l'œil trop curieux et la main souvent très interventionniste du grand protecteur américain dans leurs affaires intérieures. En France, où sont stationnés un tiers des 340 000 GI déployés en Europe, le général de Gaulle ne cache pas, lui non plus, une certaine irritation. En cause, la manière dont s'organise la prise de décision au sein du commandement intégré de l'Alliance Atlantique. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le général n'a rien contre le principe de l'Alliance, au contraire. Il est conscient de son rôle et de son intérêt pour la sauvegarde de l'Europe, non. Ce qui l'exaspère, c'est la soumission et la subordination militaire à laquelle sont soumis les officiers français. Car en 1965, ce sont bien les Américains qui tirent les ficelles du commandement de l'OTAN. Et en France, sur leur propre base, les militaires français ne sont que des spectateurs des mouvements de troupes américaines. Sur les ondes de France Inter, le général Pierre Bilotte, un proche du président de la République, justifie ce ressentiment à l'égard de l'OTAN. Si le traité, si l'alliance ont conservé toutes leurs valeurs, l'organisation, elle, apparaît maintenant complètement dépassée. Ni stratégie commune, les États-Unis conservent les mains entièrement libres en dehors de la petite aire atlantique couverte par le traité. En temps de paix, établir entre nations les rapports internationaux sur la simple base de la puissance ne pouvait amener qu'à des difficultés. La divergence de point de vue entre le général et l'OTAN ne date pas d'hier. Dès son retour à l'Élysée au mois de juin 1958, de Gaulle s'était montré à plusieurs reprises très critique sur la suprématie américaine dans l'Alliance. Selon lui, elle témoignait du mépris des États-Unis pour leurs partenaires. Et le président français en voulait pour preuve plusieurs crises internationales dans lesquelles les Américains avaient choisi de faire cavalier seul, souvent au détriment des intérêts de leurs alliés. Bref, il la jouait perso. Parmi ces épisodes, l'un d'eux suscite encore, en 1965, la colère du général. Il s'agit de l'affaire dite des ravitaillements clandestins. Lors de la crise du Liban, l'été 58, les États-Unis avaient en effet monté une expédition aérienne avec plusieurs dizaines de bombardiers. Les avions partaient du territoire américain à destination du Moyen-Orient. Sur leur route, ils faisaient escale sur les bases de l'OTAN, en France. Là, ils étaient ravitaillés, parfois armés de bombes ou équipés d'instruments d'observation photographique. À chaque fois, les Américains avaient utilisé les infrastructures de l'OTAN et ils avaient maintenu les militaires français dans l'ignorance. Pire, au commandement des forces armées, à Paris, personne n'avait été prévenu d'une telle opération. Et c'est à partir de cet épisode précis que le général de Gaulle envoie aux Américains et à tous les pays membres de l'OTAN un mémorandum dans lequel il explique la nécessité, selon lui, de réformer l'Alliance pour qu'elle permette, je le cite toujours, de garantir la sécurité du monde libre et surtout une cohésion sereine et solide entre les alliés. Dans les mois qui suivent, le président français demande la création d'une structure tripartite au sein du commandement intégré de l'OTAN. Une sorte de directoire à trois entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, qui permettrait justement aux Français d'être associés aux prises de décision. Or, les Américains refusent. de l'aveu de certains de ses proches conseillers, De Gaulle vit cet échec comme un camouflet. Alors il se braque. Désormais convaincu qu'aucune modernisation du commandement de l'Alliance n'est possible. Jusqu'en 1965, le général poursuit une série de gestes stratégiques, autant de signaux avant-coureurs de sa future politique. Dans un premier temps, le président de la République retire la flotte française stationnée en Méditerranée, puis celle de l'Atlantique du commandement de l'OTAN. Ensuite, il interdit la présence d'armes nucléaires américaines sur les bases de l'OTAN situées sur le territoire national. Enfin, les divisions françaises retirées d'Algérie ne sont pas réaffectées au contingent opérationnel de l'Alliance Atlantique. Au fil des années donc, les rapports entre Paris et Washington se crispent sur la question du commandement intégré de l'Alliance. Les deux capitales entretiennent un dialogue de sourds. Pour preuve, ce coup de téléphone du journaliste Claude Guéraud de France Inter à un responsable politique américain. Allô Washington, m'entendez-vous ? Oui. Monsieur le député David King ? Oui, monsieur. Il existe actuellement une sorte de malaise au sein de l'Alliance Atlantique. Qu'en pense-t-on à Washington, monsieur le député ? Vous parlez de malaise au sein de l'Alliance Atlantique. Malaise n'est pas le mot que nous employerons en parlant de la situation actuelle. Car qui dit malaise sous-entend maladie. Or, il serait plus exact de parler d'une période de réflexion ou d'ajustement. Cela est tout à fait normal dans la vie de n'importe quelle institution. C'est ce qu'on appelle en langage commun une langue de bois. À l'approche des fêtes de Noël 1965, alors que l'Amérique du président Johnson et ses GI se préparent à réveillonner les pieds dans la boue au Vietnam, à Paris, le général de Gaulle est conscient qu'il ne lui reste qu'une seule option pour régler cette question de temps. Son analyse se base sur un constat précis. Si la France continue de participer au commandement militaire intégré de l'Alliance, elle sera la subordonnée des Américains. Les militaires français ne réfléchiront pas aux choix stratégiques, non, ils devront obéir aux ordres. Une situation qui, aux yeux du général, pourrait emmener l'armée française dans une guerre qui n'est pas la sienne. Après le traumatisme et les non-dits des conflits en Indochine et en Algérie, la place de la France n'est plus, selon son président, sur les terrains de bataille lointains, mais à défendre son territoire et sa population. D'un autre côté, le président de la République le sait, la France ne peut pas claquer la porte de l'OTAN, car elle risquerait de se fâcher avec tous ses alliés. Alors, comme pour mieux préparer la Maison-Blanche à ce qui va se passer, dans les derniers jours de l'année 1965, l'Élysée va jouer avec les nerfs de la diplomatie américaine. Par une série de messages contradictoires, le général sème le doute et l'incertitude sur la décision qu'il s'apprête à prendre. Et surtout, sur l'ampleur de son geste. Le 21 février 1966, Palais de l'Élysée. En ce début d'après-midi, ce que le tout Paris compte de journalistes a rendez-vous avec le président de la République. Aujourd'hui, le général tient une conférence de presse sur les sujets d'actualité. Au programme, les conclusions du résultat de la présidentielle de décembre 65, l'avenir social de la France, l'affaire Ben Barka, et en toute fin de chapitre, le rôle de la France au sein de l'OTAN. Parmi tous les journalistes présents dans la salle des fêtes de l'Élysée, on trouve un certain Michel Durafour, alors jeune pigiste pour le quotidien L'Aurore. En compagnie de plusieurs dizaines de ses confrères de la presse écrite et des caméras de l'ORTF, il assiste donc au discours du général. Assis à sa table, face au micro, le président de la République se lance dans de grandes envolées lyriques. Il manie le verbe et pétrit le geste. Il joue de son charisme et de son autorité pour expliquer, convaincre, maniant l'image et la métaphore. Les minutes passent, Michel Durafour prend note sur son carnet. Le général, lui, continue son monologue qui, après plus de trois quarts d'heure, aborde enfin l'épineuse question de l'OTAN. Sans revenir sur son adhésion à l'Alliance Atlantique, la France va, d'ici au terme fixé, continuer à modifier les dispositions actuellement pratiquées pour autant que ces dispositions la concernent. Il s'agit de rétablir une situation normale de souveraineté dans laquelle ce qui est français, en fait de sol, de ciel, de mer, de force, et tout élément étranger qui se trouverait en France ne relèveront plus que des autorités françaises. On voit qu'il s'agit là non pas du tout d'une rupture, mais d'une nécessaire adaptation. Dans la salle des fêtes de l'Élysée, les journalistes restent quoi ? Personne ne s'attendait à une telle déclaration de la part du général. Et surtout, comment faut-il l'interpréter ? La France va-t-elle sortir de l'OTAN ? Notre pays va-t-il juste retirer ses troupes militaires de l'Alliance Atlantique ? Michel Durafour regarde ses confrères et cherche lui aussi à comprendre les conséquences de cette déclaration. Subtil et nuancé, le discours du général offre en réalité plus de questions que de réponses sur la stratégie de la France. Et ce sont justement ces interrogations qui vont faire naître dans la presse les théories les plus folles. Dans les jours qui suivent, les éditorialistes s'en donnent à cœur joie. Dans le journal La Croix, on peut lire « Le général a décidé de donner la priorité à la France, il met l'Amérique et l'OTAN au pied du mur ». Ou dans les colonnes de François, « La France s'apprête à refermer le chapitre de sa participation à l'Alliance Atlantique ». Les observateurs se livrent à toutes sortes de spéculations. Personne ne semble alors retenir la dernière phrase du discours du général, celle où il disait de façon claire et précise qu'il ne voulait pas de rupture, mais d'une adaptation de l'OTAN. Interrogé sur France Inter, le général Gallois, ancien chef de poste au quartier général des puissances alliées en Europe, justifie l'attitude du président. J'ai le sentiment que cette position résulte de la constatation de la situation nouvelle telle qu'elle se présente aujourd'hui. Sur le plan militaire, sur le plan économique et aussi sur celui des risques qu'entraîne la manipulation des armes nouvelles, la situation de l'OTAN n'est pas ce qu'elle était au moment où cette alliance a été conclue. Que cette tension qui existait, qui cimentait l'alliance, ayant diminué, cette alliance puisse être mise partiellement tout au moins en question. Deux semaines plus tard, le 7 mars, derrière les fenêtres de verre et les larges rideaux du Quai d'Orsay, le ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville, reçoit l'ambassadeur des États-Unis à Paris. Eh oui, depuis la sortie du général sur l'OTAN, les Américains attendent des explications. Dès les premières minutes, l'échange entre les deux hommes est tendu. Et tout au long de leur discussion, l'ambassadeur fait part de sa crainte au ministre. Le représentant des États-Unis cherche à obtenir des réponses précises sur la position de la France. Maurice Couve de Murville explique alors à l'ambassadeur qu'avant toute notification officielle au gouvernement membre de l'Alliance Atlantique, le général de Gaulle a tenu, par courtoisie, à prévenir par écrit le président américain. Le ministre des Affaires étrangères remet alors à l'ambassadeur une lettre signée de la main du général. Puis il annonce d'un ton grave à son interlocuteur que dans les 72 heures à venir, la France va signifier à ses alliés sa décision de se retirer, non pas de l'Alliance, mais de son organisation militaire. Et, poursuit le ministre, notre pays va demander l'ouverture de négociations bilatérales pour fixer les modalités de sa coopération avec le reste des alliés. À sa sortie du Quai d'Orsay, l'ambassadeur américain est sous le choc. Il appelle en urgence l'un de ses vieux amis, le ministre français de l'économie et des finances, Michel Debray. Et voici ce qu'il lui dit au téléphone. « Michel, que dois-je comprendre de la position de la France ? Sommes-nous toujours dans le même camp ou sommes-nous devenus des adversaires ?» En fin de journée, un avion de la compagnie américaine Pan Am décolle de l'aéroport d'Orly. À son bord, un attaché de l'ambassade des États-Unis. À son poignet, accroché par une menotte, se trouve la valise diplomatique. Et à l'intérieur de celle-ci, la lettre remise à l'ambassadeur par Maurice Couve de Murville. Lettre du général de Gaulle au président Johnson. 7 mars 1966. La France considère que les changements accomplis, ou en voie de l'être, depuis 1949, en Europe, en Asie et ailleurs, ainsi que l'évolution de sa propre situation et de ses propres forces, ne justifient plus, pour ce qui la concerne, les dispositions d'ordre militaire prises après la conclusion de l'Alliance. C'est pourquoi la France se propose de recouvrer, sur son territoire, l'entier exercice de sa souveraineté, actuellement entamée par la présence permanente d'éléments militaires alliés ou par l'utilisation habituelle qui est faite de son ciel, de cesser sa participation aux commandements intégrés et de ne plus mettre de force à la disposition de l'OTAN. Charles de Gaulle. Ce 7 mars 1966, alors que le soleil se couche sur l'Europe, le général de Gaulle vient d'avancer son pion sur l'échiquier des relations internationales. Au Quai d'Orsay et dans les cercles diplomatiques, l'inquiétude domine, car personne ne sait comment vont réagir les Américains. Vont-ils considérer l'attitude du général comme une rupture? Et comment la France pourra-t-elle conserver ses alliances avec les autres pays d'Europe, membres de l'OTAN? Pick yourself up, take a deep breath, dust yourself off, start all over again. Nothing's impossible, I have found, for when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, and start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip. And pick yourself up, dust yourself off, and start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So pick yourself up, take a deep breath, dust yourself off, start all over again. Like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off, start all over again. Mardi 8 mars, il est exactement 8h. France Inter, André Lemas, Interactualité. La Maison Blanche étudie le message que le général de Gaulle a fait transmettre au président Johnson par l'intermédiaire de l'ambassadeur des États-Unis à Paris. Et Jean-Pierre Elkabbach, les Américains s'attendaient à recevoir des propositions de la France pour réformer l'OTAN, mais ils ne cachent pas leur irritation de les recevoir si tôt. Le général de Gaulle, dans sa conférence de presse du 21 février, avait expliqué qu'il s'agissait de rétablir une situation normale de souveraineté dans laquelle ce qui est français en fait de sol, de mer, de ciel, de force, et tous éléments étrangers qui se retrouveraient en France ne relèveraient plus que des autorités françaises. La France veut donc tenir compte de l'évolution internationale et il s'agit donc de réviser le statut des 26 000 soldats américains, des 14 bases aériennes, d'une quarantaine de bases, de dépôts et de cantonnements entretenus en France par les États-Unis. 8 mars 1966. À la Maison-Blanche, le président américain Lyndon Johnson réunit son conseil à restreinte défense. Autour de la table, l'atmosphère est grave. Entre les mains du président, la lettre du général de Gaulle. Parmi les personnes présentes, l'incompréhension domine. Et très vite, deux tendances se dessinent. D'un côté, le département d'État comprenait le ministère des Affaires étrangères, emmené par son représentant Dean Rusk, partisan d'une ligne dure à l'égard du général. Les Français, hurle Rusk, ils se sont désistés d'un accord de défense de leur propre chef et maintenant ils osent menacer leur partenaire. De l'autre côté, le ministre de la Défense, Robert McNamara, et son cabinet, qui eux, tentent de tempérer. « Nous ne devons pas, insiste McNamara, entrer dans l'escalade d'arguments sur la légitimité du traité, non. Ce que nous devons faire, c'est réaffirmer tout simplement notre soutien à l'organisation de l'Alliance Atlantique. » Bon, une position assez centriste. Ça veut dire que Johnson doit choisir. 4 heures plus tard, il envoie une réponse écrite au général de Gaulle. Dans ce document, aujourd'hui encore resté secret, on sait seulement que le président américain évoque un coup porté par la France en plein dans le cœur de l'Alliance. Pour le reste, les spéculations vont bon train. Toutefois, conscient de l'enjeu, le général de Gaulle demande au président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Maurice Schumann, de se rendre à Washington. Sa mission, tenter d'expliquer la position française aux Américains. Gaulliste de la première heure et membre signataire du traité originel de l'OTAN en 1949, Schumann sait que sa tâche est délicate. Quelques jours plus tard, lors d'un tête-à-tête avec Johnson dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, Maurice Schumann découvre la véritable raison de l'embarras américain sur cette affaire. Car d'emblée, Johnson balaie de la main les questions d'intérêt géostratégique ou militaire induites par la position française. Non, le problème du président américain n'est pas là. Et comme il l'explique à Schumann, c'est la réaction des parlementaires, ici même aux États-Unis, qu'il craint, autrement dit. Johnson cherche à trouver une porte de sortie sur le plan intérieur pour ne pas apparaître humilié par la décision française. Face à un Schumann médusé, le président américain décroche alors son téléphone et appelle le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants et du Sénat. Puis, Johnson se retourne et dit à Schumann « C'est vous qui m'avez mis dans cette situation, c'est donc à vous d'aller leur expliquer pourquoi. » Bon, le député français s'exécute. Pendant plusieurs heures, il rencontre les députés, sénateurs américains, il leur explique l'importance aux yeux du général de l'amitié avec les États-Unis. Il rappelle aussi l'attitude fidèle de la France lors de la crise des missiles de Cuba en 62. Enfin, il affirme que la France ne quittera jamais l'OTAN. Elle en laisse juste le commandement intégré à d'autres. L'opération séduction du député français est un succès. Assuré de ne pas être pris à revers, Johnson prépare alors sa réponse officielle. Celle-ci interviendra 2 semaines plus tard lors d'une grande conférence de presse. Présent sur place, l'envoyé spécial de France Inter, Michel Enfrol, raconte. Devant un parterre de diplomates et de fonctionnaires internationaux, le chef de l'exécutif américain, sans prononcer une seule fois le nom du président français, a vigoureusement condamné les idées d'indépendance et de souveraineté militaire récemment exposées par la France. Les réactions au discours de Johnson sont partagées. Attaque directe contre la France, dit l'Evening Star. Paroles de douceur et réponses plutôt amicales, écrit le Daily News. En fait, les deux opinions sont exactes. Le président Johnson a voulu insister sur la possibilité de discussion et de négociation, expliquant que lui aussi était convaincu que les temps avaient changé et que l'Europe de 1966 n'était plus celle de 1945 ou 49, rendant nécessaire par là même une transformation de l'organisation atlantique. Paris maintenant, pendant le Conseil des ministres, le général de Gaulle tente à plusieurs reprises de justifier sa position. Car même au sein de sa majorité, il sait que sa décision ne fait pas l'unanimité. Alors, d'un ton grave et parfois caustique, il lance à ses ministres, mais enfin, qui croient encore à la menace d'une invasion soviétique. avant d'expliquer sur un ton cette fois plus grave et dramatique, que c'est la présence de bases et de forces américaines en France et l'appartenance de notre pays à une organisation militaire dirigée par les Américains qui risque de nous mêler contre notre gré à des conflits qui ne nous concernent pas. Au même moment, à l'Assemblée nationale, le débat prend des proportions inédites. Dans l'hémicycle, le ton monte et certains députés remettent en cause la décision du président de la République. Parmi eux, le représentant du Centre démocratique, René Pleven. J'affirme que vous vous êtes lancé dans le démantèlement de l'OTAN, dans la démolition de l'édifice, avec une précipitation singulière. Sans avoir exactement déterminé à l'avance ni ses répercussions pour notre propre sécurité, ni ce qui est peut-être moralement pire pour la sécurité de certains de nos alliés. Quelques minutes plus tard, sur les bancs de l'opposition, c'est le chef de file de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste qui enfonce le clou. Un certain François Mitterrand qui prononce à son tour un discours solennel. Certons la paix lorsqu'on démolit les alliances sans en construire d'autres. Certons la paix lorsqu'on prétend abriter la sécurité de la France derrière cette ligne Maginot de la force de frappe, tandis qu'on invite tous les peuples du monde à s'abriter derrière leurs frontières sous la protection d'une bombe désormais disséminée partout où chacun en réclamera l'usage. Et sur les bancs de la majorité, le silence domine, oui. Rares sont ceux qui osent défendre la décision du président, car une grande partie des députés doute de la stratégie de l'Élysée, et pire encore, elle craint que cela ne mette en péril la relation d'amitié entre la France et les États-Unis. La presse tire tous azimuts sur la prise de position du général, et l'opinion publique est partagée. Mais à une grande majorité, c'est la crainte qui l'emporte. Dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Express, le journaliste Georges Chaffard donne une idée de l'ambiance pesante qui règne alors. Il écrit « Aujourd'hui, chacun sait que de Gaulle a fait un pari. Les gens, quels qu'ils soient, ne sont pas dupes. Ils savent aussi que si le général le gagne, le visage politique d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural peut émerger de l'utopie. Oui, mais s'il le perd, l'imprudente France n'aura plus qu'à faire amende honorable, s'il est encore temps, devant son protecteur américain. » De mai à juin 1966, à Paris, les différents conseils de défense préparent la sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN, puisque la décision est prise. Les diplomates et les militaires français précisent les modalités en temps de paix comme en temps de guerre avec leurs homologues des pays alliés. Des accords sont trouvés, des autorisations sont obtenues. Seule ombre au tableau, la situation des forces françaises stationnées en Allemagne de l'Ouest. Après d'intenses négociations entre Paris et Bonn, les forces françaises, deux divisions et un escadron aérien, jusqu'alors stationnés sous l'étiquette de l'OTAN, obtiennent le droit exceptionnel de pouvoir rester en place. Derrière les apparences, la France reste donc toujours membre du Conseil de l'Alliance Atlantique, organe suprême de décision. Sur place, elle maintient des représentants qui la informent en temps réel de toutes les décisions. Bien, la subtilité, c'est qu'en quittant le Conseil de décision militaire de l'Alliance, la France se retrouve libre d'organiser sa stratégie de défense et sa gestion de l'armement nucléaire. Et puis l'efficacité de l'Alliance n'est pas atteinte, la sécurité de la France non plus. Donc le coup était politique. Et grâce aux efforts de Londres et Washington, l'OTAN traverse la crise, finalement sans dommage, et poursuit sa coopération militaire à 14. Au mois de mars 1967, quelques jours avant l'ultimatum fixé par les Français pour l'évacuation des bases militaires situées sur le territoire national, les dirigeants militaires US quittent le quartier général des forces alliées installé à Roquencourt, dans les Yvelines. Lors de la cérémonie d'adieu symbolique, le général Ayré, chef d'état-major de l'armée française, rappelle l'immense respect et l'amitié qui a lié et liera toujours la France aux États-Unis. Pendant les 16 années, où la France a coopéré avec ses alliés dans l'organisation militaire du traité de l'Atlantique Nord, nous autres, militaires français, et avec nous le peuple français dans son ensemble, a toujours entretenu, avec nos alliés qui ont séjourné sur notre sol national, les meilleurs rapports, toujours très cordiaux, souvent très amicaux. Puis apparaissent progressivement les vraies conséquences à moyen terme pour les Français. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles sont davantage sur le plan économique que sur le plan militaire. En effet, jusqu'en 1966, près de 50 000 personnes travaillaient en France directement ou indirectement avec l'un des 187 complexes militaires de l'OTAN. Leur fermeture et l'évacuation de dizaines de milliers de soldats, parfois comme à Châteauroux, où cette présence militaire était devenue un véritable poumon économique, provoquait quelques conséquences. L'échappée belle de la France, hors du giron de l'OTAN, n'aura pourtant qu'un temps. Après la démission du général de Gaulle en 1968 et sa mort en 1970, ses successeurs, de Georges Pompidou à François Mitterrand, vont progressivement faire le chemin à l'envers. En ces temps de guerre impossible et de paix improbable, le rapprochement avec l'Amérique semble inéluctable. Et malgré la chute du mur de Berlin en 1989, la France va tenter de franchir le pas pour redevenir membre du commandement intégré. D'abord, sous l'impulsion de Jacques Chirac en 1995, puis sous celle de Nicolas Sarkozy en 2009. Une chose est sûre, si l'orientation de la politique étrangère gaulliste doit trouver un jour un commencement de justification, écrit Georges Chaffard, il est peut-être en germe dans ce commentaire d'une haute personnalité diplomatique de l'Europe de l'Est, qui disait en mars 1966 « Si à en croire de Gaulle, l'OTAN est maintenant une institution périmée, alors notre pacte de Varsovie l'est aussi. Et si la France estime pouvoir se dégager de l'organisation dominée par les Américains, pourquoi ne pas évoquer ce précédent pour nous retirer, nous, de l'organisation dominée par les Russes ?» Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vit de bon feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex amour n'a pas de chance ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Mise à l'index, nos nuits blanches, nos matins gris-bleu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurai mieux comment te dire adieu. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le général et l'OTAN, notre invité Maurice Weiss, bonjour. Bonjour. Professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris en histoire des relations internationales. Vous êtes spécialiste des questions de politique étrangère et de défense. Votre dernier ouvrage dans les archives secrètes du Quai d'Orsay est paru en octobre dernier aux éditions L'Iconoclaste. Un gros livre, c'est un beau livre avec de belles photos en plus et puis des textes évidemment intéressants. Et vous revenez sur cette affaire, notamment grâce à l'utilisation d'archives inédites du ministère des Affaires étrangères dans lesquelles on a puisé aussi. Alors, il y a un certain nombre d'hypothèses que nous avons exposées dans le récit sur les motivations du général de Gaulle de vouloir quitter, je dis bien, le commandement intégré de l'OTAN et non pas l'OTAN. Est-ce que la première motivation du général de Gaulle, c'était de pouvoir être libre, d'avoir les mains libres dans sa politique nucléaire ? Ah, sans aucun doute. Sans aucun doute, l'affaire nucléaire, l'enjeu nucléaire est prédominant dans cette affaire-là. Mais il y a tout de même, chez De Gaulle, la vision d'un monde qui est un monde où les États, les nations, veulent leur indépendance. Mmh. Leur indépendance nationale, et le général De Gaulle estime que en 1960, dans les années 60, l'OTAN pose un véritable problème à la France du fait de l'intégration. Il est opposé à l'intégration militaire. Et il y a un autre élément qui joue, c'est sa vision du monde. Il faut se rappeler tout de même, parce que cela explique à la fois les réactions américaines et ce qui se passe du côté français, c'est que nous sommes dans une période de guerre froide, c'est-à-dire une période où les oppositions entre deux blocs sont extrêmement fortes, même si la période la plus chaude de la guerre froide est derrière nous lorsqu'on est en 1970. Oui, alors les heures les plus chaudes, c'est la crise des missiles de Cuba, la vie de cochon, hein, voilà. Ces années-là. Eh bien, évidemment, on est encore dans une opposition bloc à bloc entre d'un côté l'Union soviétique et son le monde autour de l'Union soviétique, et puis le monde occidental autour des États-Unis, conduit par les États-Unis. Par conséquent, il ne faut pas oublier que dans cette période de guerre froide, une décision comme celle du général de Gaulle décidant de quitter l'intégration atlantique produit une espèce de séisme au sein du monde occidental. Alors, si vous voulez, moi je crois que les gens actuellement ne peuvent pas comprendre ce que c'était en 1966 si on ne fait pas référence à quelque chose que nous avons connu, nous, et que nous connaissons actuellement, qui est le Brexit. Quand les Anglais, quand les Britanniques quittent le marché commun, il y a un sentiment d'incompréhension complète. Eh bien, c'est ce sentiment d'incompréhension qui dominait, en effet, en 1966. Alors, il ne faut pas aller trop loin dans l'analogie. N'empêche que, en ce qui concerne l'incompréhension, elle est tout à fait analogue. Alors, je reviens quand même sur la philosophie de l'OTAN. Donc, c'est une alliance scellée en temps de paix. Bon, c'est pas tout à fait inédit parce que on prend les empires européens avant la guerre 14-18. Il y a des alliances qui se font automatiquement. Mais là, l'OTAN, on met vraiment ça sur le papier, quoi. C'est-à-dire que c'est une alliance en temps de paix qui va plus loin que les alliances qu'on pouvait connaître avant. Oui, mais encore une fois, je suis obligé d'en revenir au contexte de guerre froide. La paix, oui, on ne se bat pas, mais en réalité, on se bat par pays interposés, on se bat par statistiques interposées, on se bat par satellites interposés, etc. C'est-à-dire que l'opposition entre deux blocs est extrêmement forte et par conséquent, on ne peut pas vraiment parler de paix. Et dans ces conditions, il y a la constitution de blocs politiques, idéologiques, militaires, d'un côté celui autour de l'Union soviétique, de l'autre côté celui autour des États-Unis. Et celui qui intervient le premier, c'est l'Alliance Atlantique, en effet signée le 4 avril 1949 par Robert Schuman, n'est-ce pas ? Tout à l'heure, on a parlé de Maurice Schuman. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que le contexte qui était celui de 1949 était celui d'une guerre froide qui ne cessait pas de devenir plus tendu, plus dur entre les États-Unis et l'Union soviétique, avec l'arrivée au pouvoir en Chine de Mao Tse-Tung, avec un certain nombre de crises très fortes, et que au fur et à mesure, on va passer de 1949 dans les années 50 d'une alliance à une organisation. Et c'est sur cette espèce de distinguo subtil que de Gaulle va s'appuyer pour expliquer que la France ne va pas quitter l'Alliance. Elle ne trahit pas l'Alliance occidentale. Ce qu'elle veut, c'est sortir de l'intégration atlantique. Alors, il a fallu jouer quand même les contorsionnistes pour faire passer l'idée auprès des Américains. On s'en rend compte en lisant votre livre. Que découvre-t-on dans les archives à ce sujet ? Alors, une fois de plus, que c'est un sujet extrêmement complexe. En effet, on a du mal à imaginer ce qu'était la présence militaire américaine, et pas seulement américaine, mais également canadienne en France, avec ce qui a été signalé dans l'émission, les bases américaines et canadiennes un peu partout en France, surtout dans le nord-est, en Lorraine en particulier, d'un côté, et dans le centre de la France, Châteauroux, etc. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que il s'était créé au fur et à mesure des années, même si ça n'a pas été très long, même si c'est de l'ordre d'une quinzaine d'années, une sociabilité propre, une interconnexion entre les gens qui étaient sur les bases américaines d'un côté, qui montraient qu'ils avaient tout le confort moderne, les réfrigérateurs, etc., etc., et puis les populations françaises qui, à ce moment-là, étaient tout juste en train de sortir d'une société, d'une économie... De rationnement. Exactement. Donc, les problèmes qui sont posés par la décision gaullienne sont multiples. C'est le départ des troupes américaines et canadiennes, c'est le fait qu'il va falloir tout de même rembourser un certain nombre d'investissements que les Américains avaient faits un peu partout. C'est 1000 liens entrelacés entre les Français, les Américains, les Canadiens, et qui tout d'un coup se trouvent dénoués par la décision gaullienne. Comment Johnson semble prendre les choses pas si mal que ça? Lui veut sauver la face auprès du personnel politique américain, manifestement. Comment y réagit Johnson? Oui, la réaction de Johnson est d'autant plus intéressante que de Gaulle n'a pas grande considération pour lui. Peu de monde a de la considération pour Johnson. Voilà. Or, en réalité, il a montré par un certain nombre de décisions et de gestes que ce n'était pas le mauvais président qui était devenu président parce que Kennedy était décédé et qu'il lui avait succédé, n'est-ce pas ? Il prend la décision en particulier de réagir, comme vous le disiez, de façon extrêmement modérée, et même de dire dans une de ses réponses à De Gaulle que au fond la France reste son ami, l'ami et l'allié des États-Unis, et que sa place sera toujours là, au sein de la communauté atlantique, au sein des nations atlantiques. On a quand même envie de dire, dans cette affaire, même pas mal, quoi. Parce que l'OTAN a continué à fonctionner. Est-ce qu'il y a eu vraiment des préjudices pour l'OTAN, des préjudices pour la France et des préjudices pour les États-Unis? Alors, il n'est jamais très facile et n'est jamais très positif de rompre un certain nombre de liens et d'établissements. Les bases qui étaient créées, tout d'un coup, il faut imaginer que il y avait du personnel français qui était employé sur ces bases. Oui, oui. Et Châteauroux, tout d'un, notamment. D'un coup à l'autre, ces gens vont se retrouver sans... Il y a les problèmes économiques et sociaux, il y a tout cela qui se pose. Donc, ça ne se fait pas sans casse. D'accord, sans mais d'un point de vue diplomatique et de marche du monde, c'est pas... Ça change pas grand-chose. Si, ça change une chose. Et la citation que vous avez faite à la fin d'un par rapport au pacte de Varsovie. Voilà. C'est une des un des objectifs du général de Gaulle, de faire en sorte d'aller vers la fin des blocs. Mmh. C'est-à-dire que si de Gaulle sort la France de l'alliance, non pas de l'alliance atlantique, mais de l'intégration, ça incite les pays de l'Est, et en particulier les satellites, à voir le pacte de Varsovie avec plus de réserves. Et d'ailleurs... De Gaulle, donc Moscou n'était pas contente. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que 3 mois plus tard, de Gaulle se retrouve dans un grand voyage, non pas comme les présidents actuels, à passer 24 heures en avion et puis à revenir. Il est passé 10 jours en Union soviétique. Et les Américains sont évidemment un peu épouvantés en se demandant si la France n'est pas en train de constituer une espèce d'alliance neutraliste et de passer du côté de l'Union soviétique. Il n'en est pas question, il n'en est pas... En revanche, 3 mois plus tard encore, de Gaulle se retrouve à Phnom Penh pour dire que tout le mal qu'il pense de l'intervention américaine au Vietnam, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles de Gaulle a décidé de sortir de l'intégration militaire. Est-ce que les soviétiques, les dirigeants soviétiques ont été crispés par cette affaire, justement, en se disant, oh là là, ça peut faire boule de neige, et puis... Pas du tout, les soviétiques sont aux anges, au point que pendant toute la période où, par la suite, il y avait quelques velléités de la part d'un homme politique français, ou de faire une réintégration vers l'OTAN, les soviétiques faisaient les gros yeux en disant, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de réintégrer l'OTAN, c'est scandaleux. Ils l'ont fait vis-à-vis de Giscard, ils l'ont fait vis-à-vis de Mitterrand, ils l'ont fait vis-à-vis de Chirac. Et à chaque fois, ils ont montré qu'ils étaient évidemment favorables à ce que la France reste en dehors de l'intégration militaire. Non, mais je pensais quand même que les soviétiques pouvaient se dire « Oulala, il va y avoir une contagion, et puis si Varsovie, et puis si Prague prend la décision... » Non, ils n'allaient pas si loin, ils comptaient bien sur la solidarité et la cohésion de leur bloc. Bon, bah, ce qui leur faisait plaisir, c'est qu'il, c'est qu'il y a une trahison du côté, de l'Ouest. Pourquoi le général a-t-il attendu l'année 66 pour prendre cette décision? Vous auriez pu le faire en 64, 63... D'abord, il faut dire qu'il prend les devants dès 58. Dès septembre 1958, il n'est pas au pouvoir depuis 2 mois, qu'il, par un mémorandum, il explique aux Américains et aux Britanniques que ce qui se passe au sein de l'Alliance Atlantique ne marche pas. Et d'ailleurs, il va très rapidement le manifester en sortant la marine française de Méditerranée de l'intégration atlantique en 59 et en 63 la marine française de l'Atlantique. Et par conséquent, la décision qui a lieu en 1966 n'est pas du tout une décision impromptue et pour laquelle on se demandait... Oui, c'est un processus, quoi. C'est tout un processus qui se met en place dès 58 et qui est mise en jeu en 66, il ne faut pas oublier un point de politique intérieure, c'est qu'en 1965, il y a des élections présidentielles. Absolument. Et que de Gaulle a attendu d'être réélu pour se lancer dans cette décision qui était une décision capitale et pour laquelle il pensait que si lui, de Gaulle, ne le faisait pas, personne d'autre ne le ferait par la suite. Et par conséquent, c'est très important, il y a dans cette vision gaullienne une conception du calendrier, du timing, qui pour l'année 65-66 est quelque chose d'extraordinaire. Boris Weiss, en parlant de timing, est-ce qu'en 40 secondes vous pouvez me dire à quoi sert l'OTAN aujourd'hui ? Alors, l'OTAN ne sert plus du tout à la même aux mêmes conditions qu'en 1949 ou en 1966. L'OTAN s'est profondément transformé et c'est une des raisons pour lesquelles précisément Nicolas Sarkozy, après que d'autres présidents aient eu l'idée de réintégrer l'OTAN, a finalement fait réintégrer la France de l'OTAN en 2009. Merci infiniment Maurice Weiss. Je rappelle le titre de votre livre. Quel gros et beau livre, soit dit au passage, dans les archives secrètes du Quai d'Orsay, l'engagement de la France dans le monde du 8 mai 1945 au 11 septembre 2001. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le général de Gaulle et l'OTAN, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Ronan Mahé qui était à la technique aujourd'hui.